Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. 15e et dernier épisode. Mathilde, enceinte de Julien, supplie son père de la laisser l'épouser. Le marquis de La Mole ne sait quel parti prendre pour l'avenir de sa fille. Pour l'éloigner le temps de la réflexion, il envoie Julien comme lieutenant de hussards à Strasbourg. Mais loin de s'apaiser, l'histoire de Julien Sorel s'enflamme quand Madame de Rênal écrit à Monsieur de La Mole pour dénoncer la duplicité et l'avidité de Julien. Informé par Mathilde, Julien part aussitôt pour Verrières où, en pleine église, au milieu de la foule du dimanche, il tire sur Madame de Rênal. Il est arrêté et emprisonné à Besançon. En attendant son procès, il apprend avec une ferveur soulagée que Madame de Rênal a survécu à ses blessures. Pendant ce temps, Mathilde tente toutes les démarches pour le sauver. Le journal répandit dans le département les noms des jurés. Et Madame de Rênal, à l'inexprimable terreur de son mari, voulut venir à Besançon. Si je paraissais à la cour d'assises, j'aurais l'air de demander vengeance. Malgré toutes les promesses de prudence faites au directeur de sa conscience et à son mari, à peine arrivée à Besançon, Madame de Rênal écrivit de sa main à chacun des 36 jurés. « Je ne paraîtrai point le jour du jugement. Monsieur, parce que ma présence pourrait jeter de la défaveur sur la cause de Monsieur Sorel. Je ne désire qu'une chose au monde et avec passion. C'est qu'il soit sauvé. Comment pourriez-vous le condamner à mort, tandis que moi, je vis, bien loin de me venger. Vous me donneriez la mort. » Enfin ce jour parut, tellement redouté de Madame de Rênal et de Mathilde. Toute la province était accourue à Besançon pour voir juger cette cause romanesque. Toutes les dames voulaient assister au jugement. Le lendemain, à 9h, quand Julien descendit de sa prison pour aller dans la grande salle du palais de justice, ce fut avec beaucoup de peine que les gendarmes parvinrent à écarter la foule immense entassée dans la cour. Julien avait bien dormi, il était fort calme et n'éprouvait d'autre sentiment qu'une pitié philosophique pour cette foule d'envieux qui, sans cruauté, allait applaudir à son arrêt de mort. Il fut bien surpris lorsqu'il fut obligé de reconnaître que sa présence inspirait au public une pitié tendre. « Ces provinciaux sont moins méchants que je ne le croyais. » En entrant dans la salle du jugement, il fut frappé de l'élégance de l'architecture. On eût dit, ce jour-là, qu'il n'avait pas 20 ans. Il était mis fort simplement, mais avec une grâce parfaite. Ses cheveux et son front étaient charmants. Mathilde avait voulu présider elle-même à sa toilette. La pâleur de Julien était extrême. Il ignorait l'arrivée de Madame de Rênal à Besançon. Les témoins furent entendus. Cela prit plusieurs heures. Dès les premiers mots de l'accusation soutenue par l'avocat général, deux de ces dames placées dans le petit balcon fondirent en larmes. L'avocat général faisait du pathos en mauvais français sur la barbarie du crime commis. Julien fut content de la mine ferme de son avocat. Il lui glissa tout bas. « Pas de phrase. Toute l'emphase pillée à Bossuet, qu'on a étalée contre vous, vous a servi. » À peine l'avocat avait-il parlé pendant 5 minutes que presque toutes les femmes avaient leur mouchoir à la main. L'avocat, encouragé, adressa au juré des choses extrêmement fortes. Julien frémit. Il se sentait sur le point de verser des larmes. Il allait céder à l'attendrissement qui le gagnait lorsque, heureusement pour lui, il surprit un regard insolent de Monsieur le baron de Valneau. « Les yeux de ce cuistre sont flamboyants. Quel triomphe pour cette âme basse. Dieu sait ce qu'il dira de moi dans les soirées d'hiver à Madame de Rênal. » Julien avait gardé jusque-là sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Messieurs les jurés, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans un ordre inférieur et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs. Et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Comme 2 heures venaient de sonner, la petite porte de la chambre des jurés s'ouvrit. Monsieur le baron de Valneau s'avança d'un pas grave et théâtral. Il était suivi de tous les jurés. Il toussa. En mon âme et conscience, la déclaration unanime du jury est que Julien Sorel est coupable de meurtre. Et de meurtre avec préméditation. Cette déclaration entraînait la peine de mort. Elle fut prononcée un instant après. En ramenant Julien en prison, on l'avait introduit dans une chambre destinée aux condamnés à mort. Il songeait à ce qu'il dirait à Madame de Rênal si, avant le dernier moment, il avait le bonheur de la voir. Après une telle action, comment lui persuader que je l'aime uniquement ? Car enfin, j'ai voulu la tuer par ambition ou par amour pour Mathilde. Ai-je beaucoup aimé ? Ah. J'ai aimé Madame de Rênal, mais ma conduite a été atroce. Là comme ailleurs, le mérite simple et modeste a été abandonné pour ce qui est brillant. Et il s'endormit. Quelqu'un le réveilla le matin en le serrant fortement. Quoi, déjà ? Il se croyait entre les mains du bourreau. C'était Mathilde. Cette infâme frimeur m'a trahi. Mathilde, ce jour-là, était tendre sans affectation, comme une pauvre fille habitant un 5e étage. Il est là. Il est là. Qui est là ? L'avocat, pour vous faire signer votre appel. Je n'appellerai pas. Comment vous n'appellerez pas ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que, en ce moment, je me sens le courage de mourir sans trop faire rire à mes dépens. Et qui me dit que dans 2 mois, après un long séjour dans ce cachot humide, je serai aussi bien disposé. Je prévois des entrevues avec des prêtres, avec mon père. Rien au monde ne peut m'être aussi désagréable. Mourons. Mademoiselle de la Mole, ne pouvant rien obtenir de Julien, fit entrer l'avocat. Monsieur Félix Vanneau, un ancien capitaine de l'armée d'Italie de 1796. Pour la forme, il combattit la résolution du condamné. Julien, voulant le traiter avec estime, lui déduisit toutes ses raisons. Et lorsque Mathilde sortit enfin avec l'avocat, il se sentait beaucoup plus d'amitié pour l'avocat que pour elle. 1 heure après, comme il dormait profondément, il fut éveillé par des larmes qu'il sentait couler sur sa main. Il ouvrit les yeux. C'était Madame de Rênal. Je te revois avant que de mourir. Est-ce une illusion ? Mais pardon, madame, je ne suis qu'un assassin à vos yeux. Monsieur, je viens vous conjuré d'appeler. Je sais que vous ne le voulez pas. Daignez me pardonner. Si tu veux que je te pardonne, appelle tout de suite de ta sentence de mort. Ah, viendras-tu me voir tous les jours pendant ces 2 mois? Je te le jure. Tous les jours. Hein? À moins que mon mari ne me le défende. Je signe. Quoi? Tu me pardonnes? Est-il possible? Ce n'est rien. Tu m'as fait mal. À ton épaule? Qui m'eût dit que j'écrirais à Monsieur de la Mole cette lettre infâme? Sache que je t'ai toujours aimé. Je n'ai aimé que toi. Est-il bien possible? Et cette jeune Madame Michelet? Ou plutôt cette Mademoiselle de la Mole? Car je commence en vérité à croire cet étrange roman. Il n'est vrai qu'en apparence. C'est ma femme. Mais ce n'est pas ma maîtresse. En s'interrompant 100 fois l'un l'autre, ils parvinrent à grand-peine à se raconter ce qu'ils ignoraient. La lettre écrite à Monsieur de la Mole avait été faite par le jeune prêtre qui dirigeait la conscience de Madame de Rênal, et ensuite copiée par elle. Quelle horreur m'a fait commettre la religion! Dès que je te vois, tous les devoirs disparaissent. Je ne suis plus qu'amour pour toi. Ou plutôt, le mot amour est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu. Un mélange de respect, d'amour, d'obéissance. En vérité, je ne sais pas ce que tu m'inspires. Je veux voir clair dans mon cœur. Car dans 2 mois, nous nous quittons. 2 mois, c'est bien des jours. Jamais je n'aurais été aussi heureux. Jamais tu n'auras été aussi heureux. Jamais. Et je te parle comme je me parle à moi-même. Quelque âme charitable informa sans doute M. de Rênal des longues visites que sa femme faisait à la prison de Julien. Il envoya sa voiture, avec l'ordre exprès de revenir sur le champ à Verrières. Julien pleura beaucoup, et pleura de mourir. Au moment où il regrettait le plus l'absence de cette femme adorée, il entendit le pas de Mathilde. Le pire des malheurs en prison, c'est de ne pas pouvoir fermer sa porte. Allez écouter une messe pour moi et laissez-moi un instant de paix. Mathilde, déjà fort jalouse des visites de Madame de Rênal et qui venait d'apprendre son départ, fondit en larmes. Quand Julien se fut enfin procuré la solitude, il se trouva plus accablé et plus lâche qu'auparavant. Je suis un lâche en ce moment, mais personne ne le saura. Un événement presque plus désagréable encore l'attendait pour le lendemain. Depuis longtemps, son père annonçait sa visite. Ce jour-là, le vieux charpentier en cheveux blancs parut dans son cachot. Julien éprouvait vivement le remords de ne pas aimer son père. Les reproches sévères du vieillard commencèrent dès qu'ils furent sans témoin. Julien ne put retenir ses larmes. J'ai fait des économies. Comment dois-je en disposer ? Je donnerai 1000 francs à chacun de mes frères, et le reste à vous. Fort bien. Ce reste m'est dû. Mais puisque Dieu vous a fait la grâce de toucher votre cœur, si vous voulez mourir en bon chrétien, il convient de payer vos dettes. Il y a encore les frais de votre nourriture et de votre éducation que j'ai avancés, et auxquels vous ne songez pas. Voilà donc l'amour d'un père. Un soir, Julien songeait sérieusement à se donner la mort. Son âme était énervée par le malheur profond où l'avait jeté le départ de Madame de Rênal. J'ai aimé la vérité. Où est-elle? Partout, hypocrisie, ou du moins charlatanisme, même chez les plus vertueux, même chez les plus grands. Non, l'homme ne peut pas se fier à l'homme. Napoléon à Sainte-Hélène. Pur charlatanisme. Proclamation en faveur du roi de Rome. Grand Dieu. Si un tel homme, et encore, quand le malheur doit le rappeler sévèrement au devoir, s'abaisse jusqu'au charlatanisme, à quoi s'attendre du reste de l'espèce? Ce n'est ni la mort, ni le cachot, ni l'air humide. C'est l'absence de Madame de Rênal qui m'accable. L'influence de mes contemporains l'emporte. Parlant seul avec moi-même, à deux pas de la mort, je suis encore hypocrite. Au XIXe siècle. Ainsi, moi, je mourrai à 23 ans. Hélas, Madame de Rênal est absente. Peut-être son mari ne la laissera plus revenir à Besançon et continuer à se déshonorer. Voilà ce qui m'isole, et non l'absence d'un Dieu juste, bon, tout-puissant, point méchant, point avide de vengeance. S'il existait, hélas, je tomberais à ses pieds. J'ai mérité la mort, lui dirais-je. Mais grand Dieu, Dieu bon, Dieu indulgent, rends-moi celle que j'aime. La nuit était fort avancée. Après une heure ou deux d'un sommeil paisible, arriva Fouquet. Julien se sentait fort et résolu comme l'homme qui voit clair dans son âme. Mon ami, tâche de me trouver un janséniste, ami de M. Pirard et inaccessible à l'intrigue. Fouquet attendait cette ouverture avec impatience. Julien s'acquitta avec décence de tout ce qu'on doit à l'opinion en province. Mais le mauvais air du cachot produisant son effet, sa raison diminuait. Il n'en fut que plus heureux au retour de Madame de Rênal. Mon premier devoir est envers toi. Je me suis sauvée de Verrières. Julien n'avait point de petit amour-propre à son égard. Il lui raconta toutes ses faiblesses. Elle fut bonne et charmante pour lui. Aucune parole ne peut rendre l'excès et la folie de l'amour de Julien. À force d'or, et usant et abusant du crédit de sa tante dévote, célèbre et riche, Madame de Rênal obtint de le voir deux fois par jour. À cette nouvelle, la jalousie de Mathilde s'exalta jusqu'à l'égarement. Désormais, la fin du drame doit être bien proche. C'est une excuse pour moi si je ne sais pas mieux dissimuler. Pour Julien, excepté dans les moments usurpés par la présence de Mathilde, il vivait d'amour et sans presque songer à l'avenir. Par un étrange effet de cette passion, quand elle est extrême et sans feinte aucune, Madame de Rênal partageait presque son insouciance et sa douce gaieté. Non. Je serais mort sans connaître le bonheur si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. J'irai au roi. J'avouerai hautement que tu es mon amant. La vie d'un homme, et d'un homme tel que toi, doit l'emporter sur toutes les considérations. Je dirais que c'est par jalousie que tu as attenté à ma vie. Il y a de nombreux exemples de pauvres jeunes gens sauvés dans ce cas par l'humanité du jury ou celle du roi. Je cesse de te voir. Je te fais fermer ma prison et bien certainement, le lendemain, je me tue de désespoir si tu ne me jures de ne faire aucune démarche qui nous donne tous les deux en spectacle au public. Soyons heureux pendant le petit nombre de jours de cette courte vie. Cachons notre existence. Mon crime n'est que trop évident. Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature, et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. Allons, tout va bien. Je ne manque point de fermeté.